Lettre 11e. Salle d'audience au Luxembourg, l'Institut, M. Mignet, le concert Musard. Par une faveur toute spéciale, on nous fit voir la nouvelle salle qui se construit au Luxembourg pour le procès des accusés politiques. L'extérieur en est fort beau, et quoique tout entier en bois, l'architecture correspond parfaitement à celle de l'ancien palais. Son style riche et massif est, on ne saurait mieux imiter. Les lourdes balustrades, les gigantesques bas-reliefs sont tous vastes, solides et magnifiques. Et quand après cela on pense que le tout a été achevé dans l'espace de 2 mois, on est tenté de croire qu'Aladin s'est fait doctrinaire et a frotté sa lampe avec un zèle tout particulier au service de l'État. La salle d'audience est fort majestueuse, mais avec le grand nombre d'accusés et le nombre bien plus grand encore de témoins qu'il faudra interroger, l'espace réservé au public se trouve être fort resserré. Peut-être la prudence a-t-elle dicté ceci autant que la nécessité. Et nous ne devons pas être étonnés, en effet, si les pairs de France désirent avoir en cette occasion le moins de relations possibles avec la populace de Paris. J'ai remarqué que les couloirs, les antichambres, les dégagements de toute espèce étaient en général fort vastes. Excellent arrangement et dont la sagesse est incontestable, car la présence d'un corps de troupes considérable sera absolument nécessaire. Je crois que de tout temps des soldats ont été et seront le seul moyen de tenir en respect un peuple remarquablement libre. En attendant, rien ne pouvait être plus tranquillisant que d'entendre d'avance le récit de ce qu'allait se passer en ce lieu, fait par le personnage aimable et distingué qui nous en avait procuré l'entrée. Ces doctrinaires ont une tranquille fermeté, une confiance dans leur force qui semble promettre que le repos du pays ne sera point troublé. Je suis convaincu que la plupart d'entre eux auraient préféré voir flotter le drapeau blanc plutôt que le drapeau tricolore. Et pourtant, je ne pense pas qu'en adhérant de cœur et d'âme au gouvernement actuel, ils manquent de sagesse ou de sincérité. Quoi que puisse penser ou désirer un spectateur indifférent à l'égard des luttes et des changements que l'avenir prépare, il me paraît certain qu'un Français qui a réellement à cœur la prospérité de son pays, ne peut en ce moment souhaiter autre chose que la continuation de la tranquillité dont il jouit. À la vérité, si la démocratie gagnait du terrain, si les épouvantables illusions politiques par lesquelles les personnes très jeunes et très ignorantes sont si susceptibles de se laisser égarer, se faisaient voir le moins du monde dans le système politique du gouvernement existant, la question changerait totalement de face, et tout honnête homme, possédant le libre exercice de son jugement, serait en conscience obligé de faire ce qui dépendrait de lui pour opposer une digue au mal. Mais le contraire a bien évidemment lieu, et il y a toute raison de croire qu'il n'existe pas de souverain en Europe qui ait aussi peu de goût pour le désordre et la licence que le roi Louis-Philippe. Soyez bien assurés que ce n'est pas de lui que les radicaux, de quelque pays qu'ils soient, recevront de la protection ou de l'encouragement. Ce serait en vain qu'il l'espérerait. En quittant le Luxembourg, nous nous rendîmes dans les bureaux du secrétaire de l'Institut pour demander des billets pour la séance annuelle des 5 académies qui a eu lieu hier. On nous en donna avec beaucoup d'obligeance. Oh, pourquoi nos instituts, nos académies, nos cours ne sont-ils pas organisés avec autant de libéralité? Nous avons passé hier 2 heures fort agréablement à cette séance. Je voudrais bien que les jeunes gens de l'école polytechnique, quand la fantaisie leur prit de changer l'ancien gouvernement de la France, eussent compris l'uniforme des membres de l'Institut dans leur liste de proscriptions. C'eût été là un perfectionnement moins sujet à contestation que certaines autres innovations faites par eux. Car comment expliquer qu'une assemblée de savants académiciens, de tous les âges et de tous les divers degrés d'embonpoint, prennent plaisir à se costumer tous uniformément en un habit bleu clair brodé en feuilles de myrte? Je ne saurais donner une plus grande preuve de l'intérêt que m'inspirèrent les sujets que j'entendis traiter dans cette séance, que de vous assurer qu'en moins d'une demi-heure, j'avais totalement oublié la surprise que m'avait causée ce costume coridonesque. Nous assistâmes d'abord à la distribution des prix, puis nous entendîmes quelques membres prononcer ou plutôt lire leurs discours. Mais le principal attrait de cette séance fut le discours de M. Mignet. Cet écrivain est trop célèbre pour que nous n'eussions pas le plus vif désir de l'entendre, et jamais attente ne fut plus agréablement satisfaite. a une très belle figure et a une tournure noble. Monsieur Mignet joint un organe et un jeu de physionomie qui, seul, suffirait pour assurer le succès d'un orateur. Mais dans cette occasion, il ne voulut pas se fier à ses avantages extérieurs. Son discours fut de tout point admirable. Le sujet, les sentiments, la composition, le débit, tout fut excellent. Il avait pris pour thème l'histoire de la comparution de Martin Luther devant la diète de Worms. Et la manière dont il la traita me surprit autant qu'elle m'enchanta. Pas un seul trait de ce caractère si grand, si ferme, si inflexible, qui rendit la lumière à notre religion, ne lui échappa. C'était un portrait mental tracé avec cette hardiesse de couleur, cette largeur de lumière, cette vigueur de coloris qui annonce la main d'un maître. Mais était-ce donc un catholique qui prononçait ce discours? Était-ce des catholiques qui remplissaient tous les coins de la salle et qui l'écoutaient avec une attention si soutenue, une admiration si franche? Je l'ignore. Mais quant à moi, je puis bien déclarer que jamais mes sentiments protestants et réformés ne furent plus satisfaits qu'en écoutant l'éloquente histoire du plus beau moment de la vie de notre apôtre décrite sous les lambris du palais du cardinal Mazarin. Voici les derniers mots qui terminèrent ce discours. Sommé pendant 4 ans de se soumettre, Luther, pendant 4 ans, dit non. Il avait dit non au légat, il avait dit non au pape, il dit non à l'empereur. Dans ce non héroïque et fécond se trouvait la liberté du monde. On avait annoncé un autre discours qui devait clore la séance, mais quand M. Mignet se retira, personne ne parut pour le remplacer, et après avoir attendu pendant quelques minutes, la nombreuse et brillante société se dispersa. Vous avouerez, j'espère, que nous ne perdons pas notre temps, quand je vous dirai qu'après tout cela nous allâmes soir au concert Musard. C'est là un de ces passe-temps auxquels rien de ce que nous avons à Londres ne ressemble. À 7h30, vous vous rendez dans une salle belle, vaste et bien éclairée, qui ne tarde pas à se remplir de monde. Un bon orchestre, bien complet, joue pendant une couple d'heures les morceaux de musique les plus à la mode, et quand vous en avez assez, vous sortez de nouveau, précisément à l'heure convenable, soit pour faire votre toilette pour une soirée, soit pour aller prendre des glaces chez Tortoni, soit enfin pour rentrer chez vous, faire votre thé et vous coucher de bonne heure. L'entrée de ce concert coûte 1 franc, et la modicité du prix, jointe à la toilette des dames, qui sont toutes en chapeau et en châle, pourra faire croire aux profanes que ce divertissement est destiné au beau monde des faubourgs. Mais la longue file de voitures qui remplit la rue prouve que, simple et sans prétention, ce concert n'en a pas moins des charmes pour la meilleure société de Paris. La facilité avec laquelle on entre dans le concert Musard me rappela les spectacles de l'Allemagne. Je remarquai plusieurs dames qui en sortaient, 2 ou 3 ensemble, sans hommes. Dans l'intervalle des morceaux, la société se promène autour de la salle. Les personnes qui se connaissent se rencontrent et font la conversation. Et à tout prendre, j'ai trouvé que c'était une manière fort agréable de satisfaire ce besoin français de s'amuser hors de chez soi, dont l'air même de Paris semble infecté.